Oh zut, la piscine est fermée. Tu ne savais pas? Ben non, si j'avais su, je ne serais pas venue. On aurait dû téléphoner. Tout est fermé, même la cafétéria. Ouais. C'est bête, le coin est joli. Si on avait apporté des sandwichs, on aurait pu pique-niquer sous les arbres. Moi, j'ai apporté une banane et un gâteau. Si j'avais su, j'en aurais apporté pour toi aussi. Allons voir au village, au cas où une épicerie serait ouverte.